بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلازال الحديث معكم مع الأربعين النووية ونحن في الحديث الثاني. Donc nous continuons toujours le cours sur les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah et nous sommes arrivés au deuxième hadith. فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والحديث رواه الإمام مسلم. Donc Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه rapporte: Une fois que nous étions assis auprès du prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Et il dit « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « L'islam et que tu témoignes qu'il n'y ait de divinité si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, et que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois du Ramadan et effectues le hajj, le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as la possibilité. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interroger le prophète et d'approuver sa réponse. Et l'homme de reprendre, informe-moi ô Mohammed au sujet de la foi, al-Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, la foi c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour dernier et de croire au destin, aussi bien en mal que en bien. Tu dis vrai, répéta l'homme, qui reprit en disant, informe-moi à propos de l'excellence, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. L'homme dit, informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors, quels en sont les signes précurseurs ? C'est dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, c'est lorsque tu verras les miséreux, les pieds nus et les mal vêtus rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Là-dessus, l'homme s'en alla. Quant à moi, je restai un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda, ô Omar, sais-tu qui est cet homme ? Je répondis, Allah et son prophète en savent plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Fanabda bitarjamati rawi al-hadith, wa huwa amir al-mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc nous commençons d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith qui est Amir al-Mu'minin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. وهو أول من نقب بأمير المؤمنين على العموم وكنيته أبو حفص والحفص لغة هو الأسد أو ولد الأسد والذي كناه بأبي حفص هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه الشدة على دين الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على أمر الله عمر بن الخطاب. Donc pour ce qui est de Omar ibn al-Khattab, Abu Hafs, Amir al-Mu'minin, il faut savoir que Omar ibn al-Khattab est le premier à avoir été appelé par le titre de Amir al-Mu'minin, le chef des croyants. Et sa kunya est Abu Hafs. Et Al-Hafs en arabe veut dire le lion ou le fils du lion. Et celui qui a donné cette kunya à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la fermeté de Omar radiyallahu anhu et pour sa rigueur dans les ordres d'Allah azza wa jal. D'ailleurs, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam le hadith suivant. Celui qui est le plus ferme, le plus rigoureux dans les ordres d'Allah, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa luqiba bil Faruq li'annahu azhara al-Islam bi Makkah. Fa farraqa Allah bihi bayn al-kufr wal iman. وهو أول من جهر بالإسلام في مكة لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et aussi il est surnommé Omar ibn al-Khattab et surnommé Al-Farouq, celui qui sépare, parce que ça a été le premier à manifester sa religion à la Mecque. Et par ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par Omar رضي الله عنه, il a distingué entre la foi et la mécréance. Et Omar radiallahu anhu a été le premier à manifester publiquement devant tout le monde sa foi et sa religion. D'ailleurs, Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le premier à avoir manifesté sa religion, sa conversion à l'islam, a été Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wa islamuhu radiallahu anhu kana izzatan lil-islam wal-muslimin. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب وقال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. Et la conversion de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه a été une force à la fois pour les musulmans et pour l'islam. D'ailleurs le prophète صلى الله عليه وسلم avant la conversion de Omar ibn al-Khattab invoquait Allah et disait, oh Allah, renforce l'islam, renforce ta religion par la conversion de Omar ibn al-Khattab. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, depuis la conversion de Omar radiyallahu anhu, nous sommes toujours restés forts et puissants. Aslama Omar radiyallahu anhu sanata sitt wa huwa min al-mubashirin bil jannah. Et Omar radiyallahu anhu est rentré la sixième année après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit devenu prophète. Ne parlons pas de la sixième année après l'Hégire, mais de la sixième année après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit devenu prophète. Et il fait partie des personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. واتفق أهل السنة والجماعة خلفا وسلفا على أن أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولو كره الشيعة والروافد. Et les gens de la sunna et de la jama'a sont tous unanimes que le meilleur des hommes après les prophètes et après Abu Bakr رضي الله عنه c'est Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Même si ceci dérange, même si ceci fait mal aux chiites. Et pour comprendre la place de Omar ibn al-Khattab, à la fois chez nous, le shaitan, lorsqu'il voyait Omar dans un chemin, il s'enfuyait, il prenait un autre chemin. Et Omar, radiallahu anhu, dans plusieurs situations, son avis coïncidait avec le sens de la révélation. Comme ça a été le cas pour le verset du hijab. Comme ça a été le cas pour la station de Ibrahim. Et comme ça a été le cas pour le cas des prisonniers de Badr, de la bataille de Badr. واستمرت خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليالي وعاش ثلاثا وستين سنة ومات شهيدا رضي الله عنه. Et le califat de Omar رضي الله عنه a duré 10 ans, 6 mois et 5 nuits. Et Omar رضي الله عنه a vécu jusque l'âge de 63 ans, pardon. Et il est mort رضي الله عنه martyr, tué par un Perse. وروي أو وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 539 حديثا. Et Omar رضي الله عنه nous a apporté du prophète صلى الله عليه وسلم 539 حديث رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق براوي الحديث بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Ceci, c'est le premier point, c'est-à-dire ce qui concerne la biographie rapide de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. الآن نتحدث عن منزلة هذا الحديث. Maintenant, nous allons parler de l'importance du hadith que nous avons lu précédemment. هذا الحديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ce hadith, c'est un hadith très important parce qu'il englobe l'explication de notre religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de ce hadith, dit à Omar, il lui dit, cet homme est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Donc ce hadith explique notre religion. وهذا الحديث فيه بيان بعض آداب السلوك فيه بيان العقيدة المبنية على أركان الإيمان الستة وفيه بيان الشريعة المبنية على أركان الإسلام الخمسة وفيه ذكر ما يتعلق بالساعة وأماراتها. Et aussi, ce hadith est important parce que dans ce hadith il y a des points sur le bon comportement et la bonne attitude que doit avoir le musulman. Et aussi, il explique la croyance qui est basée sur les 6 points de la foi. Il explique aussi la sharia qui est basée sur les 5 piliers de l'islam. Et il explique aussi des points concernant as-sa'a, l'heure, et des signes précurseurs de l'heure. لهذا قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة كما سميت الفاتحة بأم الكتاب لما تضمنت الفاتحة من جمعها معاني القرآن فهذا الحديث كذلك تضمن معاني السنة وإليه يعود جل السنة. الإمام قرطبي رحمه الله دي à propos de ce hadith il est exact. Il est correct de dire de ce hadith qu'il est la référence de la sunna. De la même manière que Al-Fatiha s'appelle Ummul Kitab, dans le sens où tous les versets, tous les sens contenus dans le Coran Al-Karim sont englobés dans Sourate Al-Fatiha. De la même manière, tous les sens, yani de la sunna du prophète sallam, sont renfermés dans le hadith de Jibril rapporté par Omar radiallahu anhu. C'est pour ça que les savants l'ont appelé Ummus Sunnah, la mère de la sunna. لهذا قال الإمام النووي عن هذا الحديث هو أصل الإسلام. C'est pour ça que l'imam Nawawi رحمه الله dit à propos de ce hadith, c'est le pilier, c'est la base de l'islam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'imam Nawawi رحمه الله l'a rapporté dans les 40 hadiths, puisque les 40 hadiths de l'imam Nawawi, comme ça a été l'objectif de l'imam Nawawi, c'est qu'il voulait rassembler des hadiths sur lesquels tourne l'islam et les grands enseignements de l'islam. ولعظم هذا الحديث افتتح الإمام مسلم صحيحه بهذا الحديث وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة فقد افتتحهما بحديثين حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث يعني حديث جبريل وثنى به الإمام النووي Et aussi ce qui montre l'importance de ce hadith, c'est que l'imam muslim rahimahullah a introduit son sahih, son authentique, par le hadith de Jibril rapporté par Omar radiallahu anhu. Et avant lui, l'imam al-Baghawi a aussi introduit ces deux livres, Sharh al-Sunnah wa Masabih al-Sunnah, par les deux hadiths. Le hadith de Omar, إنما الأعمال بالنيات, et l'autre hadith de Omar, qui est celui d'aujourd'hui, le hadith de Jibril. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, dans Arba'in Nawawiyah, le deuxième hadith qu'il cite dans son Arba'in, c'est ce hadith, le hadith de Jibril, qui est appelé le hadith de Jibril aussi. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Ceci concerne l'importance du hadith. Après ce qu'on vient de dire, et après avoir écouté les paroles des savants concernant ce hadith, on comprend pourquoi ce hadith est important et pourquoi ce hadith est grand. والآن نتحدث عن فوائد هذا الحديث. ما يستفاد من هذا الحديث. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on peut retenir, les leçons à retenir de ce hadith. ونذكر أربعة عشرة فائدةً. Et nous allons citer 14 intérêts, 14 leçons à retenir concernant le hadith de Jibril alayhi salam. Et je vous conseille de revenir sur un livre qui a été écrit par Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qui est un muhaddith parmi les contemporains qui vit à notre époque. Et il a fait un livre, il a appelé Sharhu Hadith Jibril, l'explication du hadith de Jibril. On peut le retrouver en arabe, il a même été traduit en français. الفائدة الأولى من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه فلا ينفرد ولا يرى نفسه فوق الناس لهذا ينبغي للمسلم أن يخالط الناس ولا ينزوي عنهم إذ مخالطة الناس أفضل من العزلة ما لم يخش المسلم على دينه فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل كما جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. La première leçon à retenir concernant ce hadith nous apprend, comme beaucoup d'autres hadiths, que le prophète صلى الله عليه وسلم s'asseyait avec ses compagnons رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons radiyallahu anhum. Et ceci prouve, ceci montre le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa modestie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne s'isolait de ses compagnons et jamais et en aucun cas il se considérait supérieur aux autres. C'est pourquoi le musulman, il lui est recommandé de se mélanger avec les gens et en aucun cas de s'écarter, de s'isoler des gens. Parce que se mélanger avec les gens dans la charia, c'est mieux que de s'isoler. Sauf si le musulman craint pour sa religion, sauf si le musulman craint pour sa foi dans le fait de se mélanger avec les gens, alors à ce moment-là, s'isoler des gens est préférable et prioritaire. الفائدة الثانية من هذا الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم وعند حضور المجالس ومجالس العلم. فجبريل عليه السلام أتى متعلما من جهة الهيئة والسؤال والأدب وحتى من جهة الثياب، حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Donc la deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est la bonne attitude, le bon comportement et le respect et la politesse que doit prendre celui qui recherche la science à l'égard du savant, ou à l'égard de son professeur, ou à l'égard de celui qui lui apprend quelque chose. Il est également recommandé d'observer ce bon comportement dans une assemblée, et plus particulièrement dans les assemblées de science, où on apprend la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est ce qui se dégage du hadith et du comportement de Jibril dans sa manière d'être, par ses propos lorsqu'il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son attitude et même dans sa tenue vestimentaire. Jibril s'est assis en face du prophète d'une manière décente, montrant qu'il était attentif au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui dire et lui enseigner comme propos. ثالثا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم وفي هذا جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم من الحاضرين لأن جبريل كان يعلم الجواب والدليل على ذلك قوله صدقت وبهذا يصير السائل معلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل يسأل ويعتبر معلما، مع أن المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل هو جبريل، ولكن لما كان جبريل هو السبب لسؤاله جعله الرسول صلى الله عليه وسلم معلما. Troisième leçon à retenir sur le hadith de Jibril, c'est qu'à la base, le musulman ne doit poser des questions que sur ce qui lui est utile dans sa vie, dans sa religion et pour son autre vie. Cependant, si le musulman participe à une assemblée de science et il remarque que les participants, les personnes présentes, ont besoin d'être informés sur un sujet, il peut et il se doit même de poser la question à l'homme de science dans le but d'en faire profiter les autres. Et ceci même s'il connaît la réponse. Regardez dans le hadith de Jibril. Jibril pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourtant il connaît la réponse. La preuve, c'est qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Jibril, que lui dit Jibril ? Sadaqt, tu as dit vrai. Ainsi, les hommes de science disent, celui qui pose des questions dans une assemblée alors qu'il connaît la réponse aura le statut de muallim, d'enseignant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Jibril, alors que Jibril est celui qui pose les questions, il dit Ataakum Jibril yuallimukum dinakum. Jibril est venu vous enseigner la religion. Qui pose les questions? Jibril. Qui répond aux questions? Qui est l'enseignant dans cette assise avec les compagnons? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Jibril qu'il est venu enseigner la religion aux autres, parce qu'il a été un moyen, une cause de poser des questions et que l'enseignant répondra à ces questions. الفائدة الرابعة قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري وهذا دليل علم وتقوى. Quatrième leçon à retenir sur ce hadith, c'est que la personne qui est interrogée, lorsqu'on nous interroge et on ne connaît pas la réponse, il faut dire Allahu a'lam, Allah est plus savant, ou de dire je ne sais pas. Et ceci est une preuve de science et ceci est une preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lorsque Jibril demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam akhbirni 'ani as-sa'a, quand il lui dit informe-moi à propos de l'heure, Que lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mal mas'oulu bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Il lui dit, je ne sais pas. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar radiallahu anhu, Ya Omar, atadri man as-sa'il? Mada yaqulu Omar? Yaqulu Allahu wa rasuluhu a'lam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, oh Omar, sais-tu qui posait les questions, qui était cet homme? Omar dit, Allah et son prophète savent plus. الفائدة الخامسة فيه دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر. Cinquième leçon à retenir, c'est dans ce hadith il y a une preuve que les anges peuvent se présenter à des êtres humains sous l'aspect d'êtres humains. Lorsque Jibril est venu, au début du hadith, Omar nous dit إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Il dit, un homme est venu, ses cheveux étaient noirs et son vêtement était blanc. Qui était cet homme? C'était Jibril, un ange. De la même manière que beaucoup de versets du Coran et beaucoup de hadiths authentiques nous prouvent que des anges sont venus sous l'apparence d'êtres humains. Comme lorsque Jibril, alayhi salam, est venu à Maryam. Et comme lorsque les anges sont venus à Ibrahim et à Lot, alayhi salam. الفائدة السادسة إن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان والتصديق والإذعان لكل ما جاء من الله ورسوله من أخبار. C'est que la religion c'est à la fois l'islam. La religion c'est à la fois l'iman, la croyance. Et la religion c'est à la fois l'ihsan, la perfection. Et c'est de croire et de se soumettre à tout ce qui nous est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète comme information, de croire et de s'y soumettre. الفائدة السابعة يعني في هذا الحديث أن الإسلام له خمسة أركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. Le septième intérêt, leçon à retenir, c'est que l'islam repose sur cinq piliers. Et ceci se dégage lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'islam, c'est de témoigner لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le hajj vers la maison sacrée. Si tu en as les possibilités, les cinq piliers de l'islam. والفائدة الثامنة في هذا الحديث أن الإيمان له ستة أركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et la huitième leçon à retenir sur ce hadith, c'est que l'iman, la foi, repose sur six piliers. La croyance repose sur six piliers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi, c'est de croire en Allah, de croire aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au destin en bien et en mal. Que veut dire croire en Allah, tabaraka wa ta'ala? C'est le fait de croire fermement qu'Allah azawajal est le créateur, qu'Allah Azzawajal pourvoit aux besoins de ses serviteurs et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala gère cet univers. Et il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à avoir ces trois qualités, qui est la qualité de Rabb. C'est aussi de reconnaître et de croire qu'Allah Azzawajal possède al-asma'ul husna wa sifatul ula, qu'Allah possède les meilleurs des noms et les meilleurs des attributs. Comme ça a été rapporté dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète sallam, selon la compréhension des salafs salih, rahimahumullah. Et c'est principalement de vouer un culte exclusif à Allah azzawajal sans rien lui associer. C'est ça, croire en Allah. Croire aux anges, c'est le croire qu'Allah azzawajal a créé des anges de lumière. Et on doit croire en tous les anges, en général, et en particulier à ceux qui sont cités dans les textes, comme Jibril, comme Mikaïl, comme Israfil. Croire au livre, c'est croire qu'Allah Azzawajal a envoyé a descendu à l'humanité des livres à travers l'histoire. Parmi ces livres, il y a At-Tawrat, Al-Injil, il y a Suhuf Ibrahim wa Moussa, les psaumes d'Ibrahim et de Moussa, alayhim assalam. Et de croire que le dernier livre révélé par Allah Azzawajal est le Coran, et qu'Allah Azzawajal va préserver ce livre. Aussi, c'est de croire aux prophètes. Ce sont des hommes qu'Allah Azzawajal a choisis, et auxquels Allah Azzawajal a envoyé à l'humanité pour les sortir des ténèbres vers la lumière et pour leur montrer comment on adore Allah Azzawajal. Et le dernier de ces prophètes, alayhi salatu salam, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la foi consiste aussi à croire au jour dernier. C'est croire qu'il y existe un jour qui sera le dernier des jours. Et croire au jour dernier englobe aussi le fait de croire à ce qui va se passer dans la tombe, comme châtiment et comme délice. À ce qui va se passer comme résurrection et comme rassemblement, al-hashr. Et de croire aussi que les gens seront jugés. Et de croire aussi qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi les gens du paradis au Firdaus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de croire aussi au destin, de croire au destin en bien et en mal. Al-fa'idatu at-tasi'a min hadha al-hadith fihi bayan al-ihsan wa huwa ruknun wahid wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak jalla jalaluhu. La neuvième leçon à retenir sur le hadith de Jibril, c'est que dans ce hadith, il est expliqué le ihsan, la perfection, et qu'il repose sur un seul pilier. Et que veut dire la perfection? Parce que le sens que le prophète sallam donne à l'ihsan n'est pas le même sens qui est renformé dans le mot perfection. Il faut comprendre le mot ihsan, le mot perfection, par la parole du prophète sallam, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui te voit. Al-fa'idatu al-ashira fihi bayanu uluwi darajati al-ihsan fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam an ta'bud Allaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ay, ta'bud Allah ka'annaka waqifun bayna yadayhi tarah. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام وعلى الكمال يأتي بالإسلام ويأتي بالإيمان على الكمال وعلى التمام ومن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا يخفى منه خافية فيحذر أن يراه الله حيث نهاه ويعمل أن يراه الله سبحانه وتعالى حيث أمره. La dixième leçon à retenir concernant le hadith de Jibril, ce hadith montre que le plus haut degré de la religion, c'est l'ihsan. C'est plus haut que l'iman, qui est lui-même plus haut que l'islam. Tout muhsin est forcément mu'min et est forcément muslim. Mais tout muslim n'est pas forcément mu'min et n'est pas forcément muhsin. Donc ceci montre le haut degré de l'ihsan. Lorsque le prophète sallam dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est-à-dire, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu étais devant lui et tu le voyais, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui atteint ce stade, forcément, va adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière complète et de manière parfaite. Et il accomplira son islam et il accomplira son iman de manière complète et de manière parfaite. Et celui qui ne peut atteindre ce stade, alors qu'il ressente qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe constamment et que rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il prenne garde à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit dans une situation qu'Allah déteste et qu'il soit dans une situation où Allah tabaraka wa ta'ala aime que la personne soit dans cette situation. Al-fa'idatu al-hadi ashar at-tafriqu bayna al-islam wal-iman in ijtama'a iftaraqa fayufassaru أو فيفسر الإسلام بأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة وإن افترق اجتمع أي في المعنى فيكون كل واحد منهما شاملا للآخر. Le 11e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est la distinction que l'on doit faire entre l'islam et l'iman. Et ce, lorsque l'islam et l'iman sont ensemble, alors l'islam désigne les actes apparents et l'iman désignera les actes du cœur et désignera la croyance. Alors que pris séparément, lorsque tu lis le mot islam séparément, ou tu lis le mot iman séparément, alors chacun d'eux aura le sens de l'autre. On parle là des actes extérieurs et des actes intérieurs. Par exemple, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé par Jibril. Jibril lui dit « Akhbirni anil islam » et après il lui dit « Akhbirni anil iman » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique l'islam par les cinq piliers de l'islam et il explique l'iman par les six piliers de l'iman. Donc là, ijtama'a iftaraqa fil ma'na. Ici, les deux mots sont réunis dans le même texte, donc ils ont deux sens différents. Par contre, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala par exemple dit wa raditu lakum al-islam adina, ou bien lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allaha ma'al mu'minin, lorsqu'Allah dit j'ai accepté pour vous l'islam comme religion, ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah est avec les croyants, et bien ici le mot islam a le même sens que l'iman et le mot iman a le même sens que islam, c'est à dire j'ai accepté pour vous l'islam comme religion et j'ai accepté pour vous l'iman comme religion. Ça veut dire aussi j'ai accepté pour Allah est avec les croyants, Allah est avec les musulmans. D'accord, ça englobe les deux sens de l'iman et les deux sens de et le sens de l'islam. Al-fa'idatu al-hadi ashar ou al-thani ashar. An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jama'a intabihu. An an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jama'a shahadata an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah fi ruknin wahid. Falimadha ja'alahuma ruknan wahidan wa lam yaj'alhuma ruknayn ithnayn. Douzième leçon à retenir sur ce hadith, c'est qu'ici, dans ce hadith de Jibril, ou même dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé, dans le premier pilier de l'islam, il a associé à la fois shahadatu an la ilaha illallah, le témoignage qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré, qui est Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est futile, est vain, et il a associé avec ce témoignage-là le témoignage de que le Mohammed est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question, pourquoi c'est un seul pilier? Pourquoi n'a-t-il pas fait deux piliers? Pourquoi n'a-t-il pas dit le premier pilier c'est ash-shahadatu an la ilaha illallah, le deuxième pilier ash-shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, et le troisième pilier la salat, et ainsi de suite? Pourquoi? Pourquoi avoir mis ces deux shahadats dans un seul et même pilier? Les hommes de science ont dit dhalika anna al-ibadata لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول الإخلاص لله تعالى وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله وهو ما تضمنته أو ما تضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. سبحان الله. La réponse à cette question, pourquoi les deux témoignages sont dans un seul et même pilier, et pourquoi ce ne sont pas deux piliers différents? Parce que l'adoration, les paroles, les actes, les adorations ne sauraient être acceptées par Allah, ne sauraient être correctes que s'il vérifie deux conditions. La première des conditions, c'est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration. Et ceci est renfermé dans le témoignage de la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, son adoration doit être sincère pour Allah. Et deuxième condition, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le sens de, un des sens de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, que le Muhammad est le prophète d'Allah. Donc elle est là la sagesse du fait d'avoir mis les deux shahada dans un seul et même pilier. Parce que la ibada ne saurait être acceptée que si tu es sincère et que si tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الفائدة الثالثة عشر أن الشهادتين أهم أركان الإسلام وأعظمها وأن الإيمان بالله عز وجل أهم الأركان الإيمان وأعظمها لهذا قدمهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصيام وفي قوله الإيمان أن تؤمن بالله ثم ذكر وبملائكته وكتبه إلى آخره. Treizième leçon à retenir, le hadith de Jibril, c'est que les deux shahada, les deux témoignages, sont les piliers les plus importants de l'islam. De même que le al-iman ou billah, croire en Allah, est le pilier le plus important dans les piliers de la foi. Et c'est pourquoi le prophète sallam, lorsqu'il a été interrogé à propos de l'islam et de l'ihsan, il a dit d'abord, il a dit pour l'islam, c'est le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et ensuite il a cité les autres piliers d'islam. Et lorsqu'il a été interrogé à propos de l'iman, il a d'abord cité l'iman billah, croire, la croyance en Allah, et ensuite la croyance en les autres piliers. Ce qui montre l'importance de shahadatayn et l'importance de l'iman billah. الفائده الرابعه عشر البدء بالاهم فالاهم لانه بدي بالشهادتين في تفسير الاسلام وبدي بالايمان بالله في تفسير الايمان. La quatorzième leçon à retenir, c'est que le musulman en général commence par ce qui est prioritaire et ainsi de suite. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué l'islam, il a commencé par الشهادتين, qui est la base de la religion, sans laquelle la salat, la zakat, le hajj et tout œuvre, tout acte ne saurait être accepté. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la foi, il a commencé par al-iman billah, parce que c'est la foi en Allah qui entraîne la foi aux anges, aux livres et aux prophètes. Regardez, le prophète dit an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, ad-damir ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala. De croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et ainsi de suite. Donc, le musulman, lorsqu'il veut réformer, il commence par la croyance. Et dans la vie en général, lorsque tu veux commencer par quelque chose, commence par ce qui est prioritaire. Et tout est important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu al-khamisatu ashar, hiya anna ilm al-sa'a maktoum. لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فمن ادعى علمه فهو كاذب لهذا كان خافيا على أفضل الرسل من الملائكة وعلى أفضل الرسل من البشر أي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام وذلك في قوله أخبرني عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. La quinzième leçon à retenir. J'avais dit qu'il y avait 14 points à retenir, mais en fait, il y en a 16. La 15e leçon à retenir concernant le hadith de Jibril, c'est que la science de As-Sa'a, quand va arriver l'heure, c'est une science cachée. Et il n'y a que Allah, tabaraka wa ta'ala, qui connaît à quel moment va arriver l'heure. Et celui qui prétend connaître l'heure, c'est un menteur. Regardez, Jibril, qui est le meilleur des envoyés d'Allah parmi les anges. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des envoyés d'Allah parmi les hommes, ne savait pas à quel moment se trouve As-Sa'a. Comment une autre personne sur qui la révélation ne descend pas, comment peut-elle prétendre connaître l'heure? Regardez, lorsque Jibril a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. وَالْفَائِدَةُ الْأَخِيرَةُ هي أن للساعة علامات ذكرت في كتاب الله وصحيح السنة وقد قسم العلماء رحمهم الله هذه العلامات من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام قسم ظهر وانتهى وقسم ظهر ولا يزال يكثر ويتتابع وقسم لم يظهر أو لم يظهر إلى الآن وقد قسم العلماء رحمهم الله أشراط الساعة إلى قسمين أشراط كبرى وأشراط صغرى. Dernière leçon à retenir, en tout cas qu'on va citer, il y a beaucoup d'autres leçons à retenir de ce hadith. Donc la dernière leçon qu'on va citer aujourd'hui, c'est certes, nous ne savons pas, personne ne sait, à part Allah subhanahu wa ta'ala, quand va arriver l'heure. Mais on a eu et nous a été donné des alamat, des signes précurseurs, des signes avant-coureurs de l'heure. Et ça a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre, certains de ces signes, et principalement dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que les savants ont divisé les signes en fonction de l'apparition. Je parle bien en fonction de leur apparition en trois catégories, en trois parties. Une première partie des signes qui est apparue et qui est finie. par exemple la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la venue du prophète, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres événements qui sont apparus et qui sont terminés. Deuxièmement, une partie des signes qui apparaissent, qui sont apparus, qui est apparu et qui ne cessent de multiplier et de se suivre. Comme par exemple la disparition de la science. Comme par exemple la multiplication du zina. Comme par exemple la multiplication des meurtres. Et d'autres signes qui sont apparus et qui continuent d'apparaître et qui se suivent et qui se multiplient. Et une troisième partie qui sont des signes qui ne sont pas encore apparus jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les savants divisent les signes des temps, les signes de la fin des temps, en deux grandes catégories. Tout à l'heure, on parlait en fonction de leur apparition. Maintenant, de manière générale, les signes qui sont cités dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna sont de deux catégories. Il y a les grands signes, Ashratul Kubra. Les grands signes, c'est ceux qui vont arriver à la fin des temps. Comme par exemple Ad-Dajjal, comme Al-Mahdi, comme par exemple Nuzul Isa alayhi salam, Qawm Juj wa Majuj. C'est les grands signes. Et Ashratu Sa'atul Sughra, les petits signes, c'est tous les autres signes qui sont cités et qui ne font pas partie des grands signes. Donc voilà pour ce qui est du hadith de Jibril concernant une brève biographie de Omar ibn Khattab qui a rapporté le hadith concernant l'importance manzilatul hadith, l'importance du hadith, et concernant des fawaïd, des leçons à retenir sur ce hadith. Et on termine en lisant une dernière fois le hadith. Wa an Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal baynama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawm إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Rawahu al-Imam Muslim. Donc, Omar ibn al-Khattab rapporte, un jour que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui du voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre eux, les siens, et posa ses mains contre sur ses cuisses. Et il lui dit, l'homme lui dit, « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, « L'islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et que tu accomplisses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois du Ramadan, et effectue le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as la possibilité. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interroger le prophète et approuver sa réponse. Et l'homme de reprendre. Ô Mohammed, informe-moi au sujet de la foi, al-Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses apôtres, et au jour dernier, et de croire dans le destin, en bien et en mal. Tu dis vrai, répéta l'homme, en disant, informe-moi à propos de l'ihsan. C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme dit, informe-moi, ô Mohammed, au sujet de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors, quels en sont les signes précurseurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lorsque tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et lorsque tu verras les miséreux, les pieds nus et les mal vêtus rivaliser dans l'édification de construction élevée. Là-dessus, l'homme s'en partit. Quant à moi, je restais un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda, ô Omar, sais-tu qui? Interrogé, je répondis, Allah et son prophète savent mieux. Il dit, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Hadith rapporté par l'imam muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.